Mireille Kanyang. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce rendez-vous du journal de ce 14 décembre. Voici les grands titres. L'introduction précoce des langues étrangères trouble l'équilibre phonologique chez l'enfant, un constat qui a poussé le Conseil des ministres de ce mercredi à proposer une amélioration des quatre langues dans l'enseignement du système éducatif burundais. Toute maison ou autre bien ayant servi à commettre l'infraction sera saisie pour dédommager les victimes, a indiqué la ministre de la Justice ce jeudi, faisant référence à la parcelle située 76 rue Noirane en zone urbaine de Kinindo. L'Association burundaise des transporteurs demande, des consommateurs demande l'application des textes régissant le commerce au Burundi pour sanctionner les spéculateurs des produits pétroliers. Vous aurez les détails dans cette édition mise en onde par Albert Douayo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Les maisons ou autres biens ayant servi à commettre des infractions seront bientôt saisies. La ministre de la Justice l'a dit ce jeudi lors de la présentation d'une maison dans laquelle des armes ont été saisies en 2016 et qui est aujourd'hui occupée par la police. Aimé Laurentine Kanyana a précisé que même d'autres maisons seront saisies et vont servir pour dédommager les victimes. Les détails avec Aubin Niyonkuru. Quand il faut réhabiliter, indemniser les personnes. La ministre de la Justice a expliqué que lorsqu'une infraction a été commise à l'aide d'un objet, celui-ci peut être saisi et utilisé pour dédommager la victime selon la loi. Aimé Laurentine Kanyana a indiqué que les maisons ou autres biens à l'aide desquels des infractions sont commises peuvent être saisis pour indemniser les victimes. Si une infraction a été commise à l'aide d'un objet, l'objet fait objet de saisie. Et quand il faut réhabiliter, quand il faut indemniser les personnes victimes de l'infraction commise par cette personne, on cherche toutes sources de financement, tout objet qui peut permettre d'avoir des moyens pour indemniser, pour réhabiliter la personne victime de l'infraction. À propos du montant d'indemnité de chacun, la ministre Kanyana a dit que ce sera une décision du juge. C'est le juge qui va déterminer la gravité de l'impact sur les personnes qui ont fait objet de cette diffamation sur le pays. Nous allons nous plier tous devant la décision judiciaire. L'une de ces maisons dans lesquelles des armes ont été saisies se trouve à Kinindo. Elle est toujours entre les mains de la police. Aubin Niyonkuru, parlons commerce à présent. L'Association burundaise des consommateurs demande l'application des textes régissant le commerce au Burundi pour sanctionner les spéculateurs des produits pétroliers. C'est après l'intervention du porte-parole du gouvernement indiquant que la pénurie actuelle du carburant est due à la spéculation des exploitants du marché du pétrole dans le pays. Et à propos de la crainte que ce comportement des pétroliers viserait la revue à la hausse du prix de ce produit, Noël Nkurunziza n'y trouve aucune raison car le prix n'a pas monté sur le marché international, précise-t-il. Je vous prie de le suivre au téléphone avec Pascal Nyoyahunz. C'est un constat très malheureux qu'on puisse effectivement constater une pénurie du carburant sur la pompe, alors que effectivement l'information officielle nous dit que le carburant disponible, le stock sont pleins dans notre pays. C'est un comportement que nous déplorons au niveau de notre association Abuko et qui on ne voudrait pas qu'il puisse continuer comme ça. Et c'est pour cela qu'on demande plutôt que on puisse appliquer les textes qui sont là, régissant le commerce au Burundi, pour sanctionner ces spéculateurs. Et nous déplorons ce comportement des exploitants du marché du pétrole dans le pays, parce que cette spéculation peut avoir de lourdes conséquences sur la vie socio-économique du pays, et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur laisser la voie libre. Il faut absolument sanctionner. Certains transporteurs craignent que le prix du carburant risque d'être revu à la hausse. Avez-vous cette crainte au sein de la Bouco? Il y a vraiment aucune raison de pouvoir avoir cette crainte qu'il y ait hausse du prix du carburant, d'autant plus que d'après nos informations au niveau international et national, il n'y a pas aucune raison qui milite en cette faveur. Et il faut vous rappeler que il n'y a pas très longtemps qu'on a revu à la hausse le prix du carburant et le consommateur est en fait déjà de vivre très difficilement à cause de ce prix qui a été revu récemment. Il n'y a pas vraiment d'autres raisons qui militeraient à ce qu'on revoie à la hausse le tarif. Donc, c'est pour cela que nous insistons de plus qu'on puisse sanctionner ce genre de comportement de spéculation. Parce que le jour où le consommateur prendra le même effet, je pense que la situation serait encore plus difficile à gérer. Noël Nkurunziza de La Bouco. Parlons éducation à présent. Adoption ce mercredi par le Conseil des ministres du projet proposant l'amélioration des quatre langues. Dans un communiqué du secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, il a précisé que différents rapports de visites sur terrain et témoignages ont fait état de défis importants dans l'enseignement des langues aux trois premiers cycles de l'enseignement fondamental. Prosper Nahuami est toujours dans ce communiqué à souligner que l'introduction précoce des langues étrangères trouble l'équilibre phonologique chez l'enfant, un projet de loi présenté dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation. Je vous prie de le suivre. Il a été constaté, en effet, que l'enseignement des quatre langues, à savoir le français, le kirundi, l'anglais et le kiswahili, dès la première année du parcours scolaire complique la progression des apprentissages. Les différents rapports de visite sur terrain, complétés par les témoignages des enseignants, font état des défis importants dans l'enseignement des langues aux trois premiers cycles de l'enseignement fondamental. En l'occurrence, la faible maîtrise des langues par les enseignants, particulièrement l'anglais et le kiswahili. L'absence de prérequis suffisants des enseignants, car leur cursus de formation initiale ne les prépare pas suffisamment à l'enseignement de ces langues. Les interférences linguistiques à l'oral comme à l'écrit chez l'enfant, car l'introduction précoce des langues étrangères trouble l'équilibre phonologique chez l'enfant. Le faible temps d'apprentissage de la lecture et de l'écriture de la langue maternelle et de la langue d'enseignement, le kirundi et le français, d'autant plus que les séances destinées à renforcer les compétences de ces deux langues sont partagées avec l'enseignement des deux autres langues. Au regard de tous ces éléments, le projet propose l'amélioration de l'enseignement des quatre langues de la manière suivante. En première année, seront enseignés le kirundi à l'écrit et le français à l'oral. Le français sera enseigné avec recours à l'écrit à partir de la deuxième année. L'anglais sera intégré à partir de la troisième année d'abord à l'oral, puis à l'écrit à partir de la cinquième année. Le kiswahili sera introduit en cinquième année à l'oral, avant une intégration à l'écrit en sixième année. Une transition linguistique de l'enseignement du kirundi au français dans les disciplines des mathématiques et des sciences et technologies va commencer à partir de la quatrième année pour préparer l'enfant à l'enseignement en français à partir de la cinquième année. Après analyse et débat, le projet a été adopté avec des recommandations à tenir en considération dans la conduite de cette réforme, en prévoyant notamment une période de transition permettant de préparer le passage de l'ancien système au nouveau système d'enseignement. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h05 dans le studio de la radio Isanganilo, poursuivons ce journal. Le lancement officiel ce vendredi par le ministre burundais de la fonction publique et des activités de la commission interministérielle de perfectionnement des fonctionnaires ou de formation continue. Dans une conférence de presse, le ministre Félix Moseliniga a indiqué que la mission principale de la commission est de planifier la formation de perfectionnement de tous les fonctionnaires de l'État. Suivez. Les principales missions, il s'agit de la planification de la formation du perfectionnement des fonctionnaires. Il s'agit aussi de voir comment organiser ce perfectionnement parce que les fonctionnaires sont nombreux, donc ils doivent y avoir une organisation. Analyser aussi le document devant sanctionner ce perfectionnement parce que c'est une carrière qui évolue. Le reste des détails, les autres dispositions pratiques seront étudiées par la commission. Il y avait des séances de formation ou de perfectionnement continu qui ont été organisées par le ministère ou au niveau sectoriel. Mais c'était des formations ponctuelles, dépendant des besoins ponctuels de chaque activité ou un programme nouveau qui venait à être introduit. Mais pour le moment, c'est un programme global, général, de perfectionnement des fonctionnaires et de tous les fonctionnaires. Dans les réglementations, le perfectionnement professionnel, c'est un droit, mais aussi un devoir de chaque fonctionnaire. Donc, c'est une nouvelle approche qu'on va introduire dans la fonction publique. La commission, pour le moment, n'a pas un délai de travail. C'est un travail continu parce que la formation est continue. Elle va étudier toutes les modalités de pratique et de travail pour qu'on ait des fonctionnaires capables, compétitifs et compétents au niveau de l'administration publique burundaise. Félix Mozeriniga, ministre burundais de la fonction publique. Parlons agriculture à présent. Plus de 40 hectares de terres cultivables du marais de Buyezi Munyika en commune province Makamba ont été détruites par les crues de la Buyezi qui y a déposé des pierres, gravier et sable. Les victimes de ces inondations suite à une digue qui a cédé se désespèrent et demandent la réhabilitation de cette digue. Au niveau de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage de Makamba, l'on informe que la question est déjà soumise aux échelons supérieurs. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. À la zone de confluence entre le ruisseau Nyaburumba et la rivière Buyezi, des va-et-vient de cyclistes transportant les pierres, le gravier et le sable s'observent vers la vallée de la Buyezi. Plus d'une quarantaine d'hectares de terres cultivables sont devenus incultes suite au dépôt de pierres, de gravier et sable des crues de la Buyezi. Là, des cultivateurs victimes comme Suzanne Namalerero et Jean-Baptiste Kabura se lamentent et demandent que la Buyezi soit ramenée dans son lit initial. Selon Étienne Mawenayo, chargé de l'aménagement des marais et de la protection des terres cultivables à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage de Makamba, c'est une conséquence de la déviation de la Buyezi. Cette rivière de Buyezi que nous voyons ici, elle a dévié de Soli. Et quand un chercheur lui avait donné, elle traverse pour le moment par serre cultivée. C'est très dommage de voir les dégâts qu'elle occasionne. Vous voyez que la rivière apporte des pierres, des sabres, et de la boue, ainsi de suite. Et ces pierres, ces sabres, et pour le moment, et les déverses dans les parcelles cultivées. Raison pour laquelle il y a des parcelles pour le moment que je dirais qui ne sont pas exploitées comme on le préconise. Il indique que les instances compétentes, à commencer par le ministère de tutelle, sont déjà au courant pour arrêter des mesures visant à protéger son marais de 175 hectares, rapportant jusqu'à 6 tonnes par hectare et par récolte, et faisant vivre la population de Makamba jusqu'à celle des provinces Bururi et Rutana, voisines de Makamba. Entre-temps, Étienne Mawenayo appelle à la protection des collines du bassin versant de la Buyezi. Jean-Pierre Misago, depuis le marais de Buyezi Munyika pour la radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago pour toutes ces précisions. Et de Makamba au sud du Burundi, rendons-nous en province Muyinga au nord du Burundi pour parler politique. Des cas d'intolérance politique entre jeunes sont signalés à certaines collines de la commune Gasorgwe. L'administrateur de cette commune parle des cas isolés, de simples conflits parfois politisés, et invite les jeunes à s'atteler aux activités de développement plutôt que de se laisser distraire. Une correspondance signée de Donné Nzeiman. Entre jeunes appartenant à des familles politiques différentes, des signes d'intolérance politique sont par endroits décelés. Nous sommes à Djani et Bgasale, deux collines de la commune d'Ogasogwe. Ici, des jeunes affirment être victimes de l'intolérance. Nous croisons un d'entre eux à Boissale, il tient une buvette. Refusant de relater sur micro ce qui lui est arrivé, l'homme sorti de sa maison à Djani pour être bastonné par d'autres jeunes préfère juste évoquer sa volonté de pardonner. Au-delà de la politique, le fond du conflit qui a fait qu'il soit battu est un conflit foncier avec certains des voisins de Djani. De Boissale, nous arrivons au centre de Djani. Nous suivons une discussion de jeunes appartenant à des groupes politiques différents. Ils échangent sans crainte sur la politique. Une voix s'élève pour révéler une entorse à la cohabitation politique. La cohabitation politique est bonne un peu partout dans la commune, déclare Jean-Claude Bartouanayo, administrateur de la commune de Gasogwe, dénonçant la politisation des simples conflits. Tout simplement, nous rencontrons certaines personnes qui, lorsqu'ils vont dans les bistrots et qu'ils boivent, et que peut-être ils deviennent ivres, hein, à un certain moment, ils peuvent se chamailler. Alors là, lorsqu'ils se chamaillent et que peut-être il y a quelqu'un qui a été la cause de ce chamaillement et qui peut-être est poursuivi par la justice ou bien, il amène des raisons comme quoi il est poursuivi parce qu'il y a des mobiles politiques. Et il n'y a pas de mobiles politiques au niveau de notre population parce qu'ils se connaissent, ils habitent ensemble. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des mobiles politiques au niveau des collines, alors qu'au niveau de la commune, au niveau de la province, il n'y a pas. Par endroits, des jeunes se sont plutôt organisés en clubs de paix. Des conflits sont résolus pacifiquement au sein de ces groupes. Témoignage sur la colline de Rushombo. La participation aux groupes ou associations, tels des groupes de paix, permet d'éviter suspicion ou discrimination entre jeunes devant cohabiter pacifiquement pour préparer un bon avenir. Pour la radio Isanganiro. Restons au nord du Burundi, cette fois-ci en province Ngozi, où seulement 10 chiens sur les 187 vaccinés durant deux jours en commune Ngozi ont été vaccinés au rendez-vous hier jeudi de la première journée de vaccination des chiens contre la rage. Le médecin vétérinaire provincial appelle les propriétaires de chiens à de nombreux vu les conséquences néfastes sur une personne mordue par un chien enragé. Les détenteurs de ces chiens et vétérinaires s'accordent à dire que deux jours ne suffisaient pas pour vacciner un grand nombre de chiens dans cette commune. Une information que nous devons à notre correspondant en province Ngozi, Apollinaire Muzagara. Et sur 127 Burundais consommateurs de drogue, plus de 9% sont séropositifs, 10 souffrent de l'hépatite B, tandis que 13 ont perdu la vie suite à l'usage de drogue, selon les enquêtes menées par l'Association des ex-usagers de drogue, celle des étudiants en médecine et le collectif des blogueurs YAG. Eric Nsengiyumva de l'association BAPUD des anciens usagers de drogue fait savoir que la drogue fait rage aujourd'hui dans le pays. C'est celle qui est appelée Boost. Il regrette qu'il n'y ait pas de centre de désintoxication au Burundi. Et 5 artistes chanteurs burundais ont été couronnés ce jeudi par le ministère burundais de la Culture, Jeunesse et Sport en collaboration avec la radio RFM. Ces prix ont été décernés à ces artistes pour leur apport dans la promotion de la culture burundaise par le biais de la musique. Pour ces musiciens, c'est un geste de soutien. Et voilà, à 13h15 dans le studio de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Albert Andouaille qui assurait la mise en onde, à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser jeudi. Merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.